Bonjour à tous. Oui. Il y a quoi? Oui, d'accord, les enfants. Ben, les enfants, si vous voulez rejoindre vos groupes, c'est le moment. Et pour les enfants qui le sont depuis plus longtemps, eh bien, vous pouvez rester. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois et qui se sont joints à nous pendant ce temps de culte. Pour ceux qui reviennent aussi, merci Seigneur pour leur présence parmi nous. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons, pour ses agneaux, pour ses brebis, pour ses boucs et pour ses béliers. Choisissez le nom que vous voulez. Le bon berger donne sa vie. Alors j'aimerais juste remettre ce texte devant nos yeux, ce texte de Jean chapitre 10, où Jésus expose certainement l'une des plus simples et des plus grandes vérités sur sa personne. Jean chapitre 10, nous lirons abondamment, parce que c'est un texte long, mais qu'il ne faut pas squeezer, en tout cas, dans ce qu'il veut nous dire. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui entre dans l'enclos des moutons, sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les mène dehors. Quand il les a fait tous sortir, il marche devant eux, les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. » Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour l'argent, que pour de l'argent, et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir de nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner, et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. » Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé par un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres répliquaient « Un possédé ne parlerait pas ainsi. » Un démon est-il capable d'ouvrir les yeux des aveugles? Verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Jésus leur demanda, je vous ai fait beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre ? » Les Juifs répondirent, « Nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre, pour une bonne œuvre, mais parce que tu insultes, pour l'insulte faite à Dieu, tu es un être humain et tu te fais toi-même Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelle merveilleuse et paisible image que celle du berger qui conduit ses moutons. Alors que ce soit dans nos plaines ou dans nos montagnes, j'espère que les citadins que nous sommes, nous avons déjà observé et rencontré un troupeau de moutons. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un spectacle plutôt apaisant. Et la devise des moutons de nos campagnes comme de ceux de nos montagnes, c'est « Nos stress, quelqu'un veille sur nous ». Alors ce matin, on ne va pas comparer notre manière de garder les moutons à celle du temps de Jésus ou, dans sa version la plus extrême, à celle de l'Australie où les bergers travaillent avec des hélicoptères et des motocrosses. Vous conviendrez que pour la gestion du stress, on peut largement faire mieux. Non, mais dans ce texte de Jean, on est dans toute autre chose. C'est un texte de salut, un texte au sujet de celui qui nous sauve, au sujet d'une porte de salut qui nous libère de l'enclos de nos péchés, d'une porte que nous sommes invités à franchir, qui donne accès à un autre pâturage, à une vie en abondance, différente de la nôtre. Mais le véritable point d'attention auquel ce texte nous invite, c'est à cette relation si particulière, si attentionnée et si profonde qui unit un berger pas comme les autres, un bon berger, à son troupeau, à ses moutons, pour le coup tout à fait ordinaire et qui coche toutes les cases d'un troupeau en perdition. Alors, bien entendu, vous les avez bien observés, ces moutons. Un mouton, ça mange tout le temps. Ça bêle aussi tout le temps. Ça bêle pour un oui, mais le plus souvent, ça bêle pour un non. Et en langage de mouton, ça s'appelle une contrariété, une frustration, ou une revendication. Le mouton est un animal qui n'est pas fait pour vivre seul, mais en communauté. Alors oui, c'est vrai, il paraît qu'il a l'ouïe fine, mais il ne voit pas très loin, pas plus loin que le bout de son museau. Le mouton aime la routine. Il aime la routine tout autant que la nouveauté. Mais le drame du mouton, c'est qu'il n'apprend pas très vite. Il est d'une nature plutôt suiveuse, et le mouton n'a aucune notion du danger, surtout quand il broute la tête baissée dans le champ d'à côté. Alors, les plus perspicaces d'entre nous auront sans doute deviné la description à grands traits d'une église locale du XXIe siècle, avec les moutons que nous sommes tous à temps complet, en semaine et dimanche compris. Mais s'il y a une seule chose, une seule caractéristique du mouton que nous devions retenir, c'est que le mouton ne sait rien faire tout seul. Il a terriblement besoin d'être conduit, il a un besoin vital que l'on prenne soin de lui. Et tout ce qu'on a entendu ce matin nous parle de ça. Un mouton dépend totalement de son berger. Et si un mouton est soustrait aux soins du berger, l'Écriture affirme que ce mouton vit dans l'erreur. Il devient un mouton errant, sans but, sans perspective, sans avenir, sans Dieu dans ce monde. Il est livré à ses pensées et aux conséquences de ses choix, sans avoir accès à cette grâce qui surabonde lorsque nos choix sont approximatifs, ce que la Bible appelle le péché. Alors, on m'avait dit que les enfants seraient là, et j'avais préparé une slide. Je voulais faire allusion à ce matin à Shaun le Mouton. Hein, vous connaissez Shaun le Mouton, super dessin animé de Wallace et Gromit, de ceux qui ont fait Wallace et Gromit. Ce mouton noir qui voulait donc explorer le monde. Alors n'ayant pas pu faire allusion à Shaun, je voudrais vous présenter Chris le Mouton. Alors, si tu peux présenter la slide. Alors Chris le Mouton, c'est pas de l'IA, hein, c'est tout à fait vrai. Chris le Mouton est le type même d'un mouton perdu. C'est un mouton qui a été retrouvé dans les années 2015 en Australie et que des randonneurs ont trouvé, que les spécialistes ont dit que ce mouton a erré pendant 5 ans, au moins 5 ans, loin du troupeau. Personne pour le tondre, personne pour l'amener dans de verts pâturages. Il était livré à lui-même, il était sans soin. La toison qui a grandi sur lui pesait environ 41 kilos. Sa toison est exposée dans un musée à Melbourne, je crois. Et c'est un mouton tout à fait exceptionnel et qui nous montre comment nous sommes nous-mêmes, nous pourrions être si, quand l'Écriture dit que nous sommes des moutons perdus. Alors, il a été tondu, il avait tellement de plaies, de parasites sur lui, qu'il a fallu l'anesthésier pour le tondre. Il a fallu 45 minutes à 4 personnes pour le tondre. Voilà, c'est Chris le mouton. Alors, il est mort, hein, bien plus tard. Mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Shrek aussi, Shrek le mouton. Il y avait Barak le mouton. Mais ils étaient tous en Australie. Ces grands troupeaux qui sont déshumanisés, ou en tout cas, qui montre que ces moutons ne peuvent pas vivre sans leur berger. Alors, voilà, l'Écriture nous dit que nous étions aussi. Le prophète Ésaïe dit cette chose-là dans Ésaïe 53. Nous étions tous errants, comme des brebis, comme du petit bétail, ou comme un troupeau éparpillé, nous rappelle le prophète Ésaïe. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a fait tomber sur lui le poids de nos fautes. C'est d'un berger, c'est du Seigneur, c'est de Dieu dont l'humanité a besoin pour vivre en communion avec son Créateur. Mais pas de n'importe quel berger, c'est du bon berger dont nous avons besoin, de celui qui ne nous fera jamais aucun mal, de celui qui ne trahira jamais la confiance et l'espérance que nous plaçons en lui. Il est ce berger que nous pouvons suivre aveuglément, même en bêlant, pour une vie abondante au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, même si parfois, comme les vrais moutons que nous sommes, nous lorgnons sur la gamelle de notre voisin. Alors pourquoi ? Parce que, tout simplement, Jésus, le bon berger, n'est pas comme les autres bergers. Il n'est pas comme ces voleurs de vie et les autres tueurs d'espérance dont nous parle le texte. Non, Jésus, le bon berger, ne prélève rien sur son troupeau. Il ne se nourrit pas de nos tristesses, il ne se nourrit pas de nos malheurs, il les vit avec nous, il souffre avec nous, il est dans la fournaise avec nous, il nous précède dans l'épreuve. Jésus, le bon berger, est toujours là. Il est toujours présent, il ne s'enfuit jamais face aux dangers qui nous guettent, face aux prédateurs, à l'approche du loup, ravisseur de la grâce. Parce qu'il est bon, Jésus, le bon berger, est un berger qui donne au lieu de prendre, alors même qu'il en aurait tous les droits. Non, Jésus, le bon berger, est un berger différent parce que c'est un berger qui ne fait ce que aucun autre berger n'a jamais fait. Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses moutons. C'est en cela qu'il est différent. C'est en cela qu'il est tout autre. Et parce que si, comme moi, vous avez bien observer un troupeau de moutons. Vous avez certainement remarqué que tous les moutons ont une petite étiquette ici, agrafée sur l'oreille. Et cette étiquette nous signale que la fin de l'histoire, on va dire, sera compliquée pour le mouton. Alors, rien à voir avec l'histoire de cet esclave dont nous parle l'Écriture, qui, par amour pour le maître, va se faire poinçonner l'oreille sur un poteau pour être à son écoute, à son service, lui et toute sa famille. Non, cette petite étiquette sur l'oreille du mouton signifie qu'un jour, ce mouton devra mourir à cause de son berger. Sans doute pour des raisons économiques, à cause du système qu'on accuse tous, ou à cause des choix du berger, ou bien parce que dans ce monde, qui peut se soucier du sort d'un mouton, de son animal de bien-être, de ses conditions d'existence, de son destin ou de sa destinée éternelle, si nous poussons l'image un peu plus loin. Après les avoir tondus plus que nécessaire, après en avoir extrait du lait pour en faire tout un fromage, nous le savons, et même si certains bergers vont jusqu'à donner des petits noms aux moutons pour dire combien ils sont attachés à leur bête, comprenons bien que dans l'économie de ce monde, le berger ne donne jamais sa vie pour l'amour de ses moutons. Alors oui, dans l'économie de ce monde, dans une logique d'exploitation de l'autre, de domination de l'autre, de prédation, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pas dans l'économie de la grâce, pas dans l'économie du bon berger, où tout est grâce, où tout est pour l'autre, pour le bien de l'autre, pour le bien de ses moutons. Dans l'économie du bon berger, dans son monde à lui, dans son royaume à lui, tout est bonté pour ses moutons. Même pour les moutons qui ne font pas encore partie de son troupeau ou pour ceux qui s'en sont éloignés. « Je suis le bon berger, dit Jésus, et le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Il y a ici une allusion non masquée à la croix. Mais la croix vue sous un autre angle, sous une autre perspective. Il n'y a pas d'expiation, pas de propitiation, pas de sacrifice. Toutes ces expressions ont leur place, bien entendu, mais le bon berger donne sa vie pour ses moutons et non à cause de ses moutons. Le don de la vie du bon berger est pour. C'est un don au bénéfice de la vie pour ouvrir un autre espace de vie qui, si le texte décrit tout diverses choses, dans diverses choses, sortir de l'enclos, mener dehors, le suivre, trouver de la nourriture ou avoir la vie abondante. Je suis le bon berger. Cette déclaration fait écho à ce psaume que nous avons lu tout à l'heure où David dit « L'Éternel est mon berger ». Et quand David, le berger, dit cela, David était berger. Et quand il dit cela, il ne dit pas « Ah Seigneur, on va s'entendre, on a le même métier ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Ce que David dit à ce moment-là, c'est une profession de foi. C'est son credo. C'est ce que David croit très profondément, très intimement dans son cœur. C'est une réappropriation de cette parole d'ouverture. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » C'est la réécriture toute personnelle du schéma Israël. « Seigneur, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Dit différemment, dit personnellement, intimement, relationnellement. Lorsque David confesse que l'Éternel est son berger, il ne veut pas simplement dire que seul l'Éternel est Dieu, ce qui est déjà beaucoup, mais il veut dire que l'Éternel est son Dieu, et pas juste qu'il est Dieu. Et parce qu'il est le bon, son berger, son Dieu, c'est parce qu'il est en relation personnelle avec son Dieu que tout le reste de ce psaume découle, comme un ruisseau de bénédiction, un soutien de grâce, un soutien dont nous parle ce psaume jusqu'au dernier jour de sa vie. Quand Jésus proclame « Je suis le bon berger », il proclame « Je suis Dieu ». Je suis le seul vrai Dieu. Il revendique sa qualité de Dieu. Alors si certains n'y comprennent rien, on l'a lu, les pharisiens, eux, ont bien saisi le sens de cette parole. C'est une insulte faite à Dieu. Tu es un être humain et tu te fais toi-même Dieu. Amen. Amen, le Seigneur est Dieu. Jésus est Dieu. Et il est le bon berger qui donne sa vie pour ses moutons. Et son désir, c'est d'établir une relation avec nous. Cette relation, le bon berger veut la construire avec toi. Et si avec le temps, cette relation s'est distendue, il veut la renouer. Il veut la faire revivre avec toi et en toi. Il y a peut-être des enclos, des murs dans ta vie. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que aucun enclos ne peut résister à son amour qui te presse. Aucun enclos ne peut t'enfermer pour toujours. Aucun mur n'est trop haut, aucun péché n'est trop grand, ni trop sale, pour t'éloigner de lui, pour te priver d'une relation vivante avec le bon berger. Et parce que rien n'est écrit ou joué d'avance, parce qu'il n'existe aucune fatalité dans le monde du bon berger, il te montre une issue. Il t'ouvre une porte. Il a dit « Moi, je suis la porte, celui qui entre, en passant par moi, sera sauvé. » Ce matin, le bon berger t'appelle par ton nom. Tu n'es pas une personne anonyme, fondue dans la masse, perdue dans les autres. Lui, le créateur de toutes choses, le bon berger te connaît par ton nom. Il connaît tout de toi, il te connaît, tu es connu de lui, tu es reconnu, tu es accueilli pour qui tu es et comme tu es. Pour te convaincre, je te rappelle les paroles du prophète Ésaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es en moi. Si tu passes à travers les eaux, si tu marches au milieu du feu, je serai avec toi. » Dans la multitude des voix de ce monde, il attend que toi, tu entendes sa voix, que tu te mettes à son écoute, que tu la reconnaisses parmi toutes les autres voix, comme une voix familière, proche de toi, afin que toi aussi, tu le suives. Alors n'écoute pas ceux qui voudraient voler ta vie, décider à ta place, te dominer, te jeter ensuite pour te jeter ensuite après avoir abusé de ta confiance. Ne te contente pas ce matin d'une petite vie. Jésus, le bon berger, a préparé pour toi une vie abondante, une vie pleine, une vie riche, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Il te donne la vie éternelle. Saisis la vraie vie que le bon berger t'offre sans rien exiger de toi. Ce matin, j'aimerais te laisser avec cette assurance. Ceux à qui le bon berger donne la vie éternelle ne seront jamais perdus et personne n'a le pouvoir de les arracher de sa main. J'aimerais que tu puisses dire avec moi ce matin, « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon Dieu, je ne manquerai jamais de rien. » Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Amen.